Bonsoir à vous tous, c'est Rico Imana sur la mise en onde de ce journal dont voici les grands titres. L'agence Banco Budo Gatumba sur la frontière burundo-congolaise a été la cible d'une attaque armée la nuit de ce vendredi et samedi. Les autorités policières et judiciaires dressent un bilan d'un mort du côté des assaillants que le procureur général de la République appelle des voleurs. Un policier blessé ainsi que 5 véhicules endommagés. Reportage à suivre dès le début de ce journal. C'est la journée internationale de la démocratie. Les différentes politiques et les activistes de la société civile s'accordent à dire que la démocratie se cherche encore au Burundi, même si on peut noter quelques avancées dans ce domaine. Et le directeur du lycée Lutana et le préfet des études ainsi que le secrétaire de tous du même lycée ont été transférés ce vendredi à Bujumbura. C'est pour y être incarcérés sur ordre du substitut du procureur près la cour anticorruption. Ils sont poursuivis dans une affaire de vol de 15 ordinateurs à ce lycée. Et dans la chronique agriculture, aujourd'hui nous parlons des noms et des hommes, précisément de la signification des noms des Burundais. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une personne a été tuée dans une attaque menée la nuit de ce vendredi à samedi à Gatumba sur la frontière burundo-congolaise. Un policier a été blessé avec 5 véhicules endommagés selon l'affirmation de la police, l'armée et le procureur général de la République. Sylvestre Nyandwi parle d'un groupe de bandits que les enquêtes déjà entamées devraient pouvoir identifier. Elinibel Nivigila s'est rendu sur les lieux, son reportage. Juste à la frontière burundo-congolaise à Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, le propriétaire d'un des véhicules endommagés en train de rassembler les restes de son véhicule. Il s'agit d'une voiture de type Fuso qui transportait des pneus neufs importés. Elle a été presque entièrement détruite. Les habitants de la localité affirment avoir entendu des tirs. Mais divergent sur leur durée. Certains parlent d'1h30 et d'autres de moins d'1h. Difficile de connaître la vérité, mais du côté officiel, ces coups n'ont même pas atteint 20 minutes. Par conséquent, la route Gatumba-Uvira a été bloquée pendant environ 6 heures à environ 2 km de la frontière burundo-congolaise. Seuls les véhicules militaires et policiers ou d'autres autorités étaient autorisés de passer. Ce que déplore un des habitants de Gatumba, car c'est grâce à cette route qu'ils gagnaient du pain, ont-ils expliqué. On nous dit que des militaires et des policiers y ont été déployés. Ce sont eux les chargés de la sécurité. Depuis le matin, personne n'a dépassé la barrière érigée. Et voilà, nous passons la journée ici. C'est à la République démocratique du Congo que nous nous rendons souvent pour chercher de quoi vivre. Des voitures qui venaient régulièrement pour charger des marchandises. Aucune n'est venue aujourd'hui. À presque midi et demi, la route a été débloquée pour donner accès sur le lieu de l'attaque. C'est le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, qui dressera le bilan de l'attaque perpétrée par des gens qu'il appelle des voleurs. Des gens non encore identifiés jusqu'ici ont attaqué le poste frontière de Gatumba, endommageant les locaux de la banque Bankobu, ce qui nous fait dire que ces bandits avaient des visées de voler. Un parmi ces bandits a trouvé la mort, tandis qu'un policier a été blessé, un policier de la police nationale du Burundi. Le procureur général de la République rassure qu'un dossier a été déjà ouvert au parquet pour connaître et punir les auteurs de cette attaque. Eli Nibel Nibigira. Sécurité toujours, cette personne sont dans les mains de la police à Moyinga dans le cadre des enquêtes sur un réseau de criminels accusés de vol de moto et assassinat de motards. Le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité précise que c'est après la découverte de 3 corps sans vie à Nyenzi en commune Gitobe. Suivez les précisions du porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité, Moïse Nkurunziza. Le point de départ a été la disparition des motards de Moyinga répondant au nom de Habarugira Denis. C'était en date du 30 août de cette année même où la famille a porté plainte. Les investigations ont commencé et c'est juste en date du 13 où on a fait une fouille perquisition dans un ménage de cette colline. On y a saisi des casques qui appartenaient même à ce motard. Les enquêtes ont commencé. Samuel Hatungimana a finalement avoué le fait devant la police judiciaire où il a reconnu avoir creusé 3 trous et y enterré 3 personnes. La première personne a été enterrée au mois de juillet de l'année passée. Les 2 autres personnes ont été récemment enterrées parce que celle qu'on a trouvée en date du 13 a été reconnue. C'est évidemment le porté disparu Habarugira Denis. Cet acte ignoble a été perpétré par une bande, en commençant par Samuel lui-même, qui reconnaît avoir tracé des trous et y enterré, déclare que ces personnes ont les amenés étant mortes. Samuel Hatungimana a été emprisonné pour assassinat. Il a été libéré par la grâce présidentielle. Cette personne sont sous interrogatoire. Il y a même d'autres qu'on cherche encore, mais je crois que c'est à la fin des enquêtes qu'on pourra vous dire qui sont réellement chargés dans ce dossier. Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique, dont les propos ont été recueillis par notre correspondant à Muyinga, Dieudonné Nzeyimana. Et le directeur du lycée Rutana ainsi que le préfet des études et le secrétaire, tous du même lycée, ont été transférés ce vendredi à Bujumbura pour y être incarcérés sur ordre du substitut du procureur près la cour anticorruption. Il venait de passer une semaine au cachot de la police à Rutana avec 5 autres employés de ce lycée, dont 2 dames secrétaires et une bibliothécaire ainsi que 2 veilleurs. Ceux-ci ont été relâchés. L'affaire concerne un vol de 15 ordinateurs au lycée Rutana. Des informations en provenance de cette cour indiquent que les enquêtes continuent à Bujumbura pour les 3 personnes. Ce samedi, des habitants de la ville de Bujumbura ont manifesté contre le rapport récemment produit par des experts onusiens sur l'état des lieux des droits de l'homme au Burundi. Les manifestants disaient que ce rapport contient des propos mensongers produits dans le but de perturber la sécurité nationale. Le Richard Kubgarugira. Ici, nous sommes à la place de l'indépendance et de la capitale Bujumbura, où les habitants de cette capitale se sont rassemblés pour manifester contre le rapport récemment présenté à l'ONU faisant état des lieux des droits de l'homme au Burundi. Les habitants qui se sont présentés dans cette manifestation disent que ce rapport contient des propos méprisants et mensongers fondés sur nulle réalité. Ils disent que ce rapport n'a pas d'autre objectif que de perturber la sécurité nationale. Personne n'ignorerait que depuis 2015, nous avons connu de tels cas et ça suivait toujours des actes de perturbation de la sécurité nationale. Et nous savons que les gens ont été tués et que leurs biens ont été pillés. Nous avons été surpris donc de ce rapport, d'où nous les citadins qui connaissons l'état de la capitale Bujumbura en 2015 avons décidé de manifester contre ce rapport méprisant. Nous voulons également manifester contre un comportement des étrangers qui, depuis 2015, n'ont fait que s'ingérer dans les affaires de gestion de notre pays et de mépriser les institutions issues des élections. Ces habitants de la capitale Bujumbura demandent au secrétaire des Nations Unies de ne pas considérer le contenu de ce rapport et de supprimer cette commission. Nous demandons au secrétaire général de l'ONU de ne pas considérer le contenu de ce rapport et de supprimer aussi cette commission qui a présenté ce rapport. Les manifestants portaient des banderoles et des pancartes sur lesquelles était écrit « Nous sommes des Burundais fiers et dignes de notre pays et nous voulons manifester contre ce rapport méprisant ayant un contenu arrogant. » Cette marche manifestation s'est clôturée à la place de l'indépendance par une prière. Dans un régime démocratique, un citoyen doit pouvoir porter un jugement pour montrer aux hommes politiques qu'ils lui sont redevables de protéger les intérêts et les droits des citoyens. Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM, s'exprime aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie. Il précise que l'homme politique devrait avoir un cahier de charges et une vision politique. Suivez-le. Dans un régime démocratique, l'habitant n'est pas un sujet, c'est un citoyen qui a des droits. Alors, on en vient à parler de ce qu'on appelle l'état de droit, qui doit être un état régi par les lois et les lois qui protègent les intérêts et les droits du citoyen. J'interpelle la conscience des citoyens parce que les citoyens ont un rôle et l'homme politique aujourd'hui surfe sur l'ignorance de la grande masse citoyenne. Il faut aussi au niveau de la solidarité citoyenne, de la société civile et les jeunes, il faut une solidarité citoyenne pour justement inviter l'homme politique à être redevable, pour montrer qu'on comprend la loi, qu'on sait la faire exécuter. Il faut vraiment un renforcement des capacités, des compétences citoyennes à travers cette solidarité pour que justement le citoyen et cette compétence de jugement et de discernement par rapport au comportement de l'homme politique. Le défi principal, c'est le comportement de l'homme politique burundi qui n'a pas changé. Et l'intérêt secteur, l'égoïsme, le manque de vision, la cupidité, et avoir un cahier de charge, une vision pour le pays. Ça, c'est un problème fondamental. Sinon, les atouts étaient là. Une nation comme le Burundi, très profonde dans l'histoire, avec une même culture, une même langue, avec des zones nationales de référence, avec une charte de l'unité, avec un accord d'Arusha pour la paix et la conciliation. Mais on ne parvient pas à impulser une démocratie pour mieux gérer, pour parvenir à faire une dynamique même de développement allant à asseoir l'aboutissement du bien-être citoyen. J'inviterai les gens, il faut que les gens des nouvelles générations en politique commencent à émerger, des nouvelles idées en politique. Le renouvellement de la classe politique est plus que nécessaire aujourd'hui. Faustin Dekoumana, président de l'organisation Parsem, mais pour le porte-parole du ministère de l'Intérieur, certains Burundais ne sont pas encore imprégnés des valeurs et principes de la démocratie au regard des événements douloureux qu'a connu le Burundi. Terence Nailaja reconnaît quelques avancées démocratiques dans l'OTAN, mais trouve qu'il faudrait encore plus d'enseignements sur ces principes et valeurs pour assainir un climat démocratique au Burundi. Suivez-le au micro de Placide Niyomwongere. Le protocole des relatifs aux principes démocratiques a été intégré dans la Constitution 2005 et voilà qu'on a procédé aux élections libres et démocratiques de ce moment. Mais malheureusement, on pensait qu'il n'y aurait plus aucun Burundais qui pourrait encore penser de recourir à la violence. Voilà qu'en 2015, lors du processus électoral, il y a un certain groupe de Burundais. Ils se sont coalisés pour faire un push d'un gouvernement qui a été élu par le peuple. Le constat est que parmi les Burundais, il y a encore certains Burundais, politiciens ou pas, qui ne sont pas encore imprégnés des valeurs démocratiques. Raison pour laquelle il faut encore du temps, mais au niveau de l'état de lié, il y a une avancée remarquable, mais il y a une étape qui reste encore pour qu'un fait contre les Burundais puisse évoluer en démocratie. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour assainir le climat démocratique au Burundi? Ce n'est que rappeler les valeurs et les principes démocratiques. Il faut que, comme je l'avais dit, certains politiciens et le peuple burundais, il faut que on multiplie les enseignements d'abord du patriotisme, mais également les valeurs et les principes démocratiques pour changer les mentalités de ces personnes qui, parfois, font des comportements bizarres que je qualifie d'ignorance parce que, et ça se manifeste souvent pendant les élections. Si une fois ces valeurs, ces principes sont maîtrisés, en tout cas, il n'y a plus de problème pendant les périodes électorales. Est-ce qu'il y a quelque chose que le gouvernement est en train de faire pour ça? Il y a déjà un programme de formation patriotique via le ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local. Il y a toutes les directions générales et 3 départements qui sont à l'œuvre pour assigner ces valeurs, pour assigner ces principes de patriotisme et de la démocratie. Et on continue à organiser des ateliers au niveau du forum des partis politiques pour qu'à faire de connaître les politiciens puissent évoluer et comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas en vue de changer leur comportement. Radio Isanganiro, chronique culture. Dans cette chronique culture, nous parlons des noms et des hommes. Les noms qui étaient donnés par les parents à leurs enfants dans la tradition burundaise avaient une signification. Comme le dit l'anthropologue socioculturel Zenon Manirakiza, certaines de ces significations étaient liées aux événements qui ont entouré la naissance de l'enfant au moment où d'autres significations avaient pour objectif de conjurer la mort. Cette chronique est présentée par Processus Shingiro. Dans la tradition burundaise, seuls les parents avaient le droit de donner le nom à leurs enfants. Selon Zenon Manirakiza, spécialiste en anthropologie socioculturelle, les événements qui ont entouré la naissance de l'enfant pouvaient être à la base du choix de son nom. Il faut noter que, comme dans certaines cultures des sociétés patriarcales, c'est le père de famille qui donne le nom à sa progéniture. Ce qui a caractérisé la famille doit transparaître dans le nom de cet enfant. Ou alors, pour décrier le mauvais voisinage, vous allez appeler votre enfant Naumvuki, c'est-à-dire je ne suis né de nulle part ou alors je nais dans un environnement hostile pour interpeller le voisinage. Parce que justement, en appelant la personne que vous avez nommée, le voisin coupable capte le message. Donc ça peut l'empêcher de persévérer dans la même erreur. D'autres noms permettaient de distinguer la personne humaine d'autres personnes. C'est vraiment pour caractériser la personne, surtout les traits physiques. J'ai le nom, donc j'existe. Il y avait également des noms difficiles à digérer, mais comme l'indique Zeno Manerachidza, ces noms avaient une signification. Mais il y a des noms que certaines personnalités ont honte de porter, surtout à l'âge adulte. C'est-à-dire, on vous qualifie de déchet ou de quelque chose d'exécrable, justement pour dire à la mort, ne vous approchez pas de cet individu, sinon vous allez vous souiller vous-même. Vous, la mort, ne voudrions pas que vous puissiez l'approcher. La volonté de prévenir, de conjurer la mort et de protéger cet enfant dès la naissance en lui souhaitant que la mort ne croise jamais tes chemins tout le long de votre vie. Il y avait des noms spéciaux surtout à partir du 7e enfant, sans oublier qu'il y avait des noms de famille qui étaient perpétués de génération en génération selon la descendance. Alors, arrivé au 5e, au 6e enfant, on dirait que la société ne voulait rien dire. Mais à partir du 7e, 8e et 9e enfant, on voit des noms spéciaux qui commencent à apparaître comme Nyandgui, Minani, Nyabenda, le 10e Buchumi. Il y a aussi des noms, surtout pour les jumeaux, qui évoquent cet événement heureux qui est arrivé à la famille. Il y a des noms spécifiques que les jumeaux doivent porter. Et aussi, les Barundais avaient cette tradition de perpétuer le nom de famille pour évoquer les ancêtres, pour dire il est de la descendance d'antelle, donc il est digne de respect et d'une considération qui avait été donnée à un tel. Des fois, une personne pouvait adopter un comportement suggéré par le nom qu'il portait. Pour distinguer une chose et une autre, vous lui donnez un nom. Comme ça, vous pouvez juste définir son identité. Et c'est très important. Izina Nijomunu en Kirundi veut dire le nom, c'est vraiment la personne elle-même. Dans la chronique Art et Culture qui va suivre, l'on vous parlera des noms théophores et la façon dont les parents donnent le nom à leurs enfants actuellement. Merci, Processus Shingiro. En actualité internationale, avant la revue de presse, au Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire et le chanteur Kizito Mihigo ont été libérés dans la matinée de ce samedi 15 septembre. Ils font partie des 2140 prisonniers dont le ministère de la Justice avait annoncé vendredi l'élargissement. Dans ses premières réactions, Victoire Ingabire se dit surprise et contente et a indiqué son intention de poursuivre ses activités politiques. Victoire Ingabire et Kizito Mihigo étaient considérés comme des prisonniers politiques par les organisations de défense des droits de l'homme, tous deux purgés de lourdes peines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana, nous souhaitons de passer une très bonne soirée. Tout de suite, vous allez suivre la revue de presse avec Francine Ndihokugayo et Léonce Vitario. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le gouvernement déclare persona non grata les trois membres de la commission d'enquête sur le Burundi. Il s'agit de Doudou Diène, le Sénégalais, Lucie Assouagbor, de nationalité camerounaise, ainsi que la Britannique Françoise Hampson. L'agence burundaise de presse revient sur la correspondance que le ministre burundais des Relations extérieures a adressée le 11 septembre aux intéressés. Il informe que le gouvernement burundais a pris connaissance avec déception et regret du contenu du rapport qu'il juge diffamatoire et mensonger qu'ils ont rendu public le 5 septembre au Palais des Nations Unies à Genève et suivi d'une sortie médiatique. Le Burundi dit ignorer les visées et le non-dit derrière ce rapport qui, selon la correspondance, est contraire à la réalité du pays. L'hebdomadaire Iwachu, pour sa part, se demande qui dit la vérité entre Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies et la commission d'enquête sur le Burundi. Ils proviennent d'une même organisation, s'adressent au même pays, mais porte un regard tellement différent sur la situation burundaise. Monsieur Kafando souligne les actes posés par le chef de l'État burundais, notamment la promulgation de la nouvelle constitution et son annonce officielle de la fin de son mandat pour 2020. Qui a réellement raison alors entre Monsieur Kafando et la commission de Monsieur Diène? Iwachu note que cette profonde divergence de point de vue désoriente, déroute l'opinion et suscite des spéculations. Le journal Iwachu revient également sur la création d'un nouveau parti politique par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa. Le parti s'appelle FNL, Front National pour la Liberté, Amizero ya Barundi. Et au journal d'écrire dans un titre, Agathon Rwasa et le FNL, ça fait un. Iwachu parle également du sort de l'autre entité de la coalition Amizero ya Barundi. Cette coalition s'est faite en effet entre indépendants d'Agathon Rwasa et ceux de la fraction dissidente de l'UPRONA. C'est une coalition qui a surpris plus d'un, selon notre confrère, rassemblant en son sein les entités Hutu et Tutsi, en symbole de solidarité et réconciliation. Maintenant que la nouvelle loi mère interdit la coalition des indépendants, les choses doivent changer. Agathon Rwasa a pris les devants en lançant la procédure de la création de son parti. Il n'exclut pas toutefois la possibilité de constituer une coalition lors des prochaines élections. Revue de la presse. En page éducation, les écoles renouent avec leurs difficultés récurrentes. C'est du moins le titre du journal La Voix de l'enseignant qui écrit que, comme les années antérieures, la rentrée scolaire 2018-2019 présente des facteurs bloquants pour des enseignements et apprentissages de qualité. Les écoles fondamentales et post-fondamentales font face à des effectifs pléthoriques des élèves dans les classes. Les directeurs des écoles de Bujumbura sont dépassés. Leurs bureaux sont envahis par les parents et les élèves qui demandent des places. Ceux-ci ne veulent pas entendre que les classes sont sursaturées alors que c'est vrai. Les enseignants attendent le matériel pour démarrer leurs activités. En attendant, poursuit la voix de l'enseignant, les élèves inoccupés déambulent partout. Tenant compte de toutes ces difficultés, les acteurs de l'éducation pronostiquent que les résultats scolaires seront mauvais aussi longtemps que des mesures de désengorger les salles de classe et de rendre disponibles les outils pédagogiques ne seront pas prises. Le processus de mise en place d'un guichet unique électronique a repris. C'est le titre de la voix du contribuable en magazine trimestriel de l'OBR, Office Burundais des recettes. Sous le leadership du ministère ayant les finances dans ses attributions, l'OBR assure les devants de la scène dans les préparatifs de la mise en œuvre, enfin, de ce guichet. Enfin, parce que le lancement officiel avait été fait en avril 2014, mais avec le retrait des partenaires financiers, le projet a été ralenti. Ce n'est qu'en mars 2018 que le travail a repris, cette fois avec le soutien financier du COMESA et l'appui technique de la CNUSED. Le guichet unique électronique, une fois mis en place, ce sera une des étapes importantes vers la facilitation des affaires au Burundi, avec un gain de temps considérable pour les opérateurs économiques, renchérit le magazine. La communauté de blogueurs Yaga écrit sur ce qu'elle appelle le business douteux des églises au Burundi. En 2017, le Burundi recensait plus de 550 confessions religieuses sans tenir compte des églises qui ne sont enregistrées nulle part. Parmi ces confessions, plusieurs sont pointées du doigt dans des cas d'escroquerie et de malversation. Des mesures commencent à être prises. Le billet parle du cas de l'église Agape Ministries International in Burundi, suspendue depuis le 16 août de cette année. Selon l'ordonnance du ministère de l'Intérieur, reprise par Yaga, cette église a dévié de ses objectifs présentés lors de son agrément et qu'elle cause des désordres et fonctionne à travers un vol organisé et qui affecte même d'autres confessions religieuses. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Léon Sebitaliho et Francine Ndokubgayo. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.